Bonjour à tous et à tous et bienvenue à l'écoute de ce journal comptant pour ce 26 mars et en voici les grandes articulations. Au moment où le président burundais revient sur la nécessité des clans à l'heure actuelle au Burundi, le parti Uprona estime que la connaissance de son clan est une bonne chose. La lecture est tout autre au parti Sahwanya Frodebu. Vous aurez les réactions de ces deux partis politiques tout en début de ce journal. Plus de 20 000 réfugiés burundais sont déjà rentrés dans leur pays depuis le 7 septembre l'an dernier en provenance de la République unie de Tanzanie. Ça a été précisé ce lundi lors d'une tripartite sur la situation des réfugiés burundais se trouvant sur le sol tanzanien. Certains feux tricolores, dits communément feux rouges, ne fonctionnent plus dans la ville, dans certains endroits de la ville de Bujumbura, quelques mois après leur installation. Vous aurez le constat de notre reporter Aubin Niyonkuru. Dans ce journal, vous aurez également la réaction du syndicat du personnel enseignant de l'Université du Burundi et conjointement avec l'Association des professeurs de l'Université du Burundi à Pub. C'est sur la nouvelle ordonnance portant ouverture de master de l'université qui y disent être contraire à la validation de 20 programmes de master par la Commission nationale de l'enseignement supérieur. Bienvenue pour les détails dans ce journal, mis en onde par Erika Dogo, à la présentation Mireille Kanyang. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour, page politique pour débuter ce journal. Le parti Uprona appelle les Burundais à dépasser leurs ethnies et clans respectifs et mettre en avant le bien de la nation dans une fierté d'être appelé Burundi. C'est au moment où le président de la République du Burundi prône depuis un certain temps le retour au clan plutôt qu'aux ethnies pour mieux renouer avec le tissu social dans le pays. Olivier Nkurunziza, secrétaire général et porte-parole du parti Uprona, estime que la connaissance de son clan est une bonne chose, mais pour lui, il faut aller un peu plus loin et dépasser les deux, les clans et les ethnies, pour bien construire la nation burundaise. Suivez-le au micro de Léonce Vitaliou. Les politiciens ont chaque fois la façon de voir pour accéder au pouvoir. Ils peuvent passer à travers les clans, même à travers les ethnies. Alors au niveau du parti Uprona, ce que nous demandons, c'est de renforcer surtout la cohésion sociale. De voir qu'être Hutu ou Tutsi, ça n'a pas d'importance ou toi. Ce qui nous importe ici au Burundi, c'est de voir une personne qui peut gouverner le pays du Burundi en amenant la paix, la justice, mais aussi le développement, plus que de voir qu'il est Hutu ou il est Hutu ou toi. Au niveau du parti Uprona, alors je pense que c'est la façon du président de la République de voir comment lutter contre ces divisions qui ont amené du désordre mais aussi des guerres répétitives ici au Burundi. Sinon, ce sont les quotas ethniques qui sont mentionnés dans la constitution pour entrer dans les institutions de l'État. Est-ce que ce sera facile si les clans sont mis en avant? Bon, il faut écouter, quel que soit les Hutu ou les Tutsi ou les Twa, ils ont des clans, même qui se ressemblent. Je pense que les conventions ou l'accord d'Arusha et même les articles qui se trouvent dans la constitution actuelle, c'était pour protéger la population burundaise suite au conflit politique qui avait des racines dans les ethnies. Et si effectivement la considération des clans est mise en avant, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait dans le futur des clans qui seraient plus privilégiés que d'autres dans les institutions de l'État? Bien sûr, ça peut exister. On peut avoir des clans qui se sentent lésés. Alors là, ce que nous pensons, c'est de voir comment orienter, quels que soient les clans, quels que soient les ethnies, de voir comment cimenter la cohésion sociale et de voir que c'est le Burundi qui est notre pays au lieu de mettre en avant l'ethnisme. Moi, je pense qu'au niveau du parti Uprona, c'est un parti d'unité. Il faut mettre en avant l'unité qui rassemble les Bahutu, les Batutsi, les Batwa, pour que toute population burundaise se sente interpellée à travailler au sein de son pays sans discrimination aucune. Olivier Nkurunziza, c'est le secrétaire général et porte-parole du parti UPRONA au téléphone avec Léonce Bitarihoy. Pour sa part, le parti Sahwanya Frodebo estime que le retour au clan n'est pas nécessaire pour les Burundais. Léonce Ngendakoumana, vice-président de ce parti, indique plutôt que cela peut faire en sorte que les citoyens oublient les questions de l'heure. La gestion des trois ethnies n'a pas été facile, il en serait plus difficile encore si l'on se mettait à gérer les clans plus nombreux encore, estime Léonce Ngendakoumana, vice-président du parti Frodebo. Que ce soit les clans, que ce soit les ethnies, aujourd'hui c'est exactement la même chose, ça ne nous pourrons pas avancer, surtout dans cette période où le monde est dans une phase de mondialisation, des ouvertures des frontières pour qu'il y ait la libre circulation des personnes et des biens, pour améliorer les conditions de vie des peuples. Lorsque les autres avancent, nous, au Burundi, nous avons tendance à reculer. Pourquoi? Reculer comment? Alors que le président, le parti au pouvoir, estimait que ces clans pourraient aider à renouer le tissu social burundais. Si vous êtes dans un clan et que je suis dans un clan, quelle est la valeur ajoutée pour le développement et la réconciliation du Burundi? Quelle est la valeur ajoutée? Si vous êtes dans une ethnie et que je suis dans une ethnie, quelle est la valeur ajoutée sur ces deux valeurs de paix, de cohabitation et du développement au Burundi? Que chacun reste dans son clan, c'est bon. Que chacune reste dans son ethnie, dans son tribu, c'est bon. Mais cela ne peut pas servir de valeur de base aujourd'hui pour faire avancer le pays, amener les Burundais à cohabiter. Déjà au niveau des ethnies, on parlait de trois ethnies, c'est très difficile à gérer. Comment est-ce qu'on va gérer plus de 50 clans? C'est inimaginable. Ils ont un autre calcul que nous ne savons pas, mais de grâce qu'ils nous épargnent de cette histoire de clan, de cette histoire d'ethnie, qu'on se consacre au développement économique et social, qu'on se consacre à la consolidation de la paix et de la sécurité dans son pays, qu'on se consacre au développement. C'est ça qui va servir au peuple burundais et au Burundi. Léonce Ngendakoumana, c'est le vice-président du parti Sahwanya Frodebo. Toujours en page politique, le premier secrétaire du parti UPRONA en commune Rugombo et provinciale dans la province Chibitoke disent être perturbés quelquefois lors de la tenue des réunions dans cette contrée. Ils l'ont exprimé ce samedi lors de la célébration de la victoire du parti UPRONA. Suivez-les. Les relations sont en bord fixe entre le parti UPRONA et les autres partis politiques, car nous tenons régulièrement des réunions. Néanmoins, il arrive que quelquefois, des groupes de gens s'organisent et prennent des bâtons pour nous battre. Cela est arrivé en commune Rugombo, colline Kiramira et en commune Mugui. Nous avons informé l'administrateur que nous avons réunion. Il a arrêté la réunion, puis après il a autorisé la poursuite de la réunion. Ils ont peur de nous et nous intimident. Nous n'avons pas peur, car nous nous conformons à la loi dans ce que nous faisons. Il s'observe dans notre province des cas d'intimidation chez certaines personnes. Comme nous avons des jeunes adhérents dans notre parti, nous leur conseillons de respecter les membres des autres partis politiques et nous leur demandons de suivre l'idéologie de Gwagasore. Mais il y a encore des gens qui ne comprennent pas que nous sommes dans la voie de la démocratie. Et de son côté, Abel Gachati, président de ce parti au niveau national, y tranquillise ses premiers secrétaires du parti UPRONA en commune Rugombo et au niveau provincial. Je vous prie de le suivre, traduit en français par Claude Mbonanayo. Concernant ce que vous avez évoqué relatif à l'intimidation, je voudrais vous tranquilliser. Nous nous sommes mis d'accord avec le parti au pouvoir et d'autres partis. Ces gens qui se méconduisent, nous avons dit que ne pas être membre d'un même parti politique ne signifie pas que les gens se regardent en chien de faïence. Nous sommes à l'ère de la démocratie, les Badassigana, les JRR, que vous soyez respectés. Les uns iront au CNDD et d'autres partis FNL. Ce que nous enseignons dans notre parti, c'est de demander au Badassigana de ne pas déranger celui dans notre parti. Et les responsables du parti au pouvoir au niveau des communes Mugui, Mabayi et Rugombo rejettent tous ces propos. Isanganiro, la radio de l'avenir. Page éducation à 13h06 dans le studio de la radio Isanganiro. La nouvelle ordonnance portant ouverture des masters d'université est contraire à la validation de 20 programmes de master par la Commission nationale de l'enseignement supérieur. Le président du syndicat du personnel enseignant de l'université du Burundi, SPEUB, considère que tous les programmes de l'université sont prioritaires pour le pays. Dans un communiqué sorti ce lundi par le SPEUB, conjointement avec l'association des professeurs de l'Université du Burundi APUB, les deux syndicats demandent la révision de cette ordonnance. Suivez professeur Siméon Barumwete, président du syndicat SPEUB, au micro d'Alain Désiré Boukénez. Cette ordonnance a énormément déçu le corps enseignant, d'autant plus que ça faisait 3 ans que le gouvernement du Burundi nous avait intimé l'ordre d'élaborer les programmes de master pour que la réforme BMD, ça veut dire baccalauréat, master, doctorat, puisse être complète et effective à l'Université du Burundi. Nous avons élaboré, conçu 20 programmes de master que nous avons acheminé à la Commission nationale de l'enseignement supérieur qui a validé, qui est cet organe, la Commission nationale de l'enseignement supérieur, c'est le seul organe habilité à accréditer les programmes de formation dans l'enseignement supérieur au Burundi. Alors, cette commission avait validé 20 programmes de master. Et sur base de cette ordonnance d'avril 2017, l'Université du Burundi a fait passer un concours d'entrée dans ces 20 programmes de formation. Et les listes des candidats retenus pour faire ces masters sont affichées depuis plus de 2 mois. C'est autour de plus de 380 étudiants. Maintenant, nous avons donc été surpris que l'ordonnance ne tient pas compte de cet état de choses, puisque c'est une ordonnance qui vient limiter uniquement ces programmes de master à 5 au lieu de 20 qui étaient validés. L'ordonnance parlait de l'ouverture des programmes guidés par le souci de répondre aux besoins prioritaires du pays. Ça fait plusieurs années que le Burundi a une politique qu'on appelle une politique nationale de la recherche qui s'inspire aussi de la communauté est-africaine. Et dans cette politique de recherche, on montre les différents domaines prioritaires, mais finalement, tous les domaines qui sont enseignés à l'Université du Burundi sont des domaines prioritaires. Finalement, c'est une ordonnance qui est contre même la volonté, les priorités du gouvernement, etc. Du gouvernement. Oui. Et dans l'état actuel, quelle est votre proposition concrète? Notre proposition en tant qu'enseignant, c'est que le ministère revoie son ordonnance pour qu'il donne autorisation d'ouverture à tous les programmes qui ont été validés par la CNES. Nous suggérons que la voie, l'orientation de la CNES soit la seule qui doit guider le gouvernement, puisque c'est une commission nationale qui est la seule habilitée à accréditer les programmes et de donner l'autorisation d'ouverture à tous les 20 masters, à tous les 20 programmes de master que nous avons élaborés. Professeur Siméon Barumwete était président du syndicat du personnel enseignant de l'Université du Burundi, SPEUB. En page société, plus de 20 000 réfugiés burundais sont déjà rentrés dans leur pays depuis le 7 septembre l'an dernier en provenance de la République unie de Tanzanie. C'est ce qui ressort d'un communiqué du Haut Commissariat pour les réfugiés. Ce communiqué coïncide avec la réunion tripartite sur la situation des réfugiés burundais se trouvant sur le sol tanzanien qui se tient à Bujumbura depuis ce lundi. Le point avec Évariste Nzikobanyanga. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur dit attendre beaucoup de cette 20e réunion de cette commission tripartite. Cette dernière fera le point sur les activités déjà réalisées et discutera de la planification de la suite des activités du rapatriement et de leur intégration. Et à propos des guerres de chiffres exacts des réfugiés burundais entre le gouvernement burundais et l'OHCR qui verse toujours de l'encre et de la salive, le porte-parole du ministère de l'Intérieur garde espoir que cette réunion pourra donner de la lumière. Effectivement, vous savez. Et si on n'a pas fait un recensement, il est difficile de s'entendre sur les chiffres. Mais comme nous avons le gouvernement tanzanien ici, le gouvernement burundais et le HCR, il va y avoir des différentes présentations de l'état des lieux selon les délégations. Comme ça, on pourra découvrir donc quels sont les chiffres qui sont vrais. C'est pourquoi, en fait, la réponse à cette question vous sera donnée le jour de mercredi le 28, quand on fera la restitution, après avoir échangé et vérifié, parce que le gouvernement, en tout cas, connaît les Burundais qui sont dans les cas. C'est comme ici chez nous au Burundi. Nous avons 4 cas des réfugiés étrangers qui sont au Burundi. Nous en connaissons les chiffres. Nous avons les présidents des cas qui sont des Burundais, qui savent les chiffres. Je crois que c'est de même. Ça sera l'occasion d'en découvrir et je vous promets que d'ici mercredi, on saura de quoi il s'agit. Il y a la question de savoir à quand le début du rapatriement des autres Burundais se trouvant dans d'autres pays limitrophes. Terence Nairage tranquillise. Il indique que le gouvernement burundais a déjà entamé des démarches avec les chefs de gouvernement concernés. Le gouvernement burundais a déjà adressé une correspondance à la République Unie, à la RDC, pour qu'en fait de compte également il y ait une tripartite. Normalement, c'est celle qui va regrouper le Burundi, la RDC, le HCR qui devrait commencer, mais on attend le feedback. Il y a déjà les préparatifs pour faire une tripartite entre le Burundi et la République démocratique du Congo très prochainement pour analyser les modalités pratiques de retour des Burundais. Même pour le Rwanda, ça sera aussi possible. Nous attendons. Le gouvernement a déjà lancé un aspect pressant à tous les pays voisins et qui hébergent les Burundais d'ouvrir les portes pour qu'en fait de compte, on se mette ensemble en vue de faciliter les Burundais qui veulent rentrer au pays. Le représentant du HCR au Burundi indique dans son communiqué que plus de 20 000 Burundais sont déjà rentrés au pays en provenance de la République Unie de Tanzanie depuis septembre 2017. Sofiane Adjadi ajoute qu'à peu près 20 000 Burundais se sont déjà fait inscrire pour regagner leur pays, qu'il reste à déterminer la logistique pour rapatrier ceux-là qui ont déjà manifesté cette volonté. Évariste Nzikobanyanga, poursuivant ce journal à 13h13 dans le studio de la radio Isanganiro. Certains feux tricolores, dits communément feux rouges, ne fonctionnent plus dans certains endroits de la ville de Bujumbura. Quelques mois après leur installation dans certains endroits, les pylônes sur lesquels sont placées ces signalisations routières ont été percutés par des véhicules. Les usagers des voies publiques réclament leur réparation puisque cela paralyse la circulation routière. Le constat est d'Aubin Nyonguru. Certains usagers des voies publiques affirment que la circulation routière est paralysée par le dysfonctionnement des feux tricolores. Nous sommes souvent victimes des accidents à cause du dysfonctionnement de ces feux tricolores. Parfois, la circulation est paralysée parce que certains feux tricolores ne fonctionnent plus. À peine installés dans certains coins de la ville de Bujumbura, certains de ces feux tricolores ne fonctionnent plus. Soit les pylônes sur lesquels ils sont placés ont été percutés par les véhicules. L'exemple ici est celui des feux tricolores installés sur le boulevard du 1er novembre qui passe tout près de la société Fruito vers la brasserie. L'autre exemple est celui des feux tricolores placés tout près de la station dite chez Katikati au centre-ville de Bujumbura, toujours cogné par un véhicule. Celui-ci demande qu'il soit réparé. Ces feux tricolores facilitent le mouvement des véhicules et des piétons et préviennent les accidents. Là où les feux ne fonctionnent plus, ils devraient être réparés. À part là où les pylônes ont été percutés, dans d'autres endroits, ces feux ne fonctionnent plus ou fonctionnent alternativement. À titre d'exemple, les feux situés près du building abritant le ministère de l'Intérieur vers le ministère des Finances ne fonctionnaient pas ce lundi dans l'avant-midi. Merci à Aubin Nyonguru. Rencontre ce lundi entre le ministre de la Communication avec les responsables des médias publics et privés, le Conseil national de la communication, la Commission électorale nationale indépendante et l'Association burundaise des radiodiffuseurs ABR. Dans son mot d'ouverture, Nestor Wankumukunzi, ministre de la Communication, a fait savoir qu'ils vont échanger sur l'organisation pour le prochain scrutin référendaire, les forces et les faiblesses de tous les partenaires électoraux dans la couverture médiatique, dont les élections et les leçons apprises des échéances électorales précédentes. La rencontre a été faite à huis clos. Un hippopotame qui est tombé dans un fossé sur la colline Gakungwe, sous colline Kadende de la commune Kabeze en province de Bujumbura, reste encore dans cet endroit depuis ce samedi. La population de la localité dit que c'est de la manne offerte à elle par le Tout-Puissant pour la fête pascale. Les habitants de cette localité demandent qu'on leur autorise de le tuer, un hippopotame sous surveillance de 10 militaires du camp chinois de Kabeze et aussi des policiers se trouvant à plus de 2 km du lac Tanganyika. Ce fossé a été creusé par des fabricants des briques. La population dit que les hippopotames viennent souvent ravager leur culture. Et le directeur de l'Office burundais pour la protection de l'environnement qui s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation et voir comment faire sortir cet hippopotame de ce fossé. Et voilà, 13h16 dans les studios de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Eli Kadogo qui a assuré la mise en onde, à l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Je dis merci. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.